mari trompé qui décide de flinguer sa femme par vengeance. C'est une théorie intéressante. On peut faire bosser tout le monde là-dessus. Mais il y a comme un truc qui me gratte.